savez quoi, bonsoir messieurs dames, vous m'avez manqué. J'ai été absent 2 semaines et j'ai vraiment l'impression d'avoir été absent 3 mois. Donc le track, du coup, bah, les bêtises, et puis j'ai pas vérifié que la première chanson était calée comme il fallait. C'est pas grave. Hein, voilà, c'est la saga des femmes fortes, c'est Thierry Gallet, et tout va très très très très bien se passer, puisque l'album de la semaine, vous l'avez deviné, il aurait dû passer le 29 octobre, il passe aujourd'hui, le 12 novembre 2025, c'est l'album Traveling Wilburys volume 1, avec les Traveling Wilburys, alias, mais pas seulement George Harrison, sorti en 1988. Il y aura Handle With Care, Dirty World, Last Night, Not Alone Anymore, Margarita et End of the Line. Il y aura également pour McCartney Every Night, Ringo Starr chantera a cappella, John Lennon ce sera Look At Me, la démo sur Plastic Ono Band, vous verrez, c'est plutôt sympa. Quant aux Beatles, on commencera avec Tell Me Why, mais pas la version que vous connaissez forcément, ce sera la prise numéro 8. Voilà, et pour le reste, eh bien, on se donne rendez-vous sur le groupe de l'émission, le groupe Facebook, La Saga des Femmes Fortes. Et je vous souhaite une très, très, très, très, très, très, très bonne soirée en compagnie de John, Paul, Ringo et Georges, et éventuellement votre serviteur Thierry Gallet. Commençons par de l'histoire. C'est arrivé presque par hasard. George Harrison cherchait une face B pour un single de son album Cloud Nine. Il réunit ses amis Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison et Bob Dylan dans le studio de ce dernier à Los Angeles. Leur collaboration spontanée donna naissance à Handle With Care, jugée trop bonne pour n'être qu'une face B. Ainsi naquit le supergroupe, je résume, des Traveling Wilburys, dont le nom évoque les vieilles machines et les voyages sur la route. Un savant mélange de rock, roots, folk, country, humour, vintage, typique des années 50-60, et un son chaleureux et analogique. L'esprit est décontracté. 5 légendes s'amusent à jouer, sans pression ni ego. C'est vraiment ce qu'il fallait à George Harrison pour lui donner envie de continuer. Handle With Care sera le tube mondial et la signature du groupe. Il y aura également End of the Line, un hymne positif clôturant l'album, rendu poignant après la mort de Roy Orbison. Twitter and the Monkey Man, pastiche des histoires sombres à la Bob Dylan, et Heading for the Light, chanson lumineuse de Harrison rappelant l'esprit des Beatles. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant, j'en rajouterai peut-être un petit morceau tout à l'heure. Pour l'instant, le premier titre, Handle With Care, sur RG. Quel doux rêve de voir Paul McCartney en petit comité comme ça. Ils étaient quoi, 400 peut-être, quelque chose comme ça. Donc rien pour Paul McCartney. Et puis là, ça lui a donné l'occasion de reprendre ses chansons, mais dans une autre forme. C'était en 1991. L'album s'appelle Unplugged, donc débranché. D'où la musique fait avec des guitares sèches et non pas avec des guitares électriques, etc. Le minimum en tout cas. Et ce qui est amusant, c'est que sur l'album, sur la pochette de l'album, il y avait marqué Unplugged, the official bootleg, c'est-à-dire le bootleg, le pirate officiel. Parce que c'est un disque pourtant qui est sorti tout à fait officiellement, mais c'est l'humour de Paul McCartney, qu'est-ce que vous voulez. Oh. Ringo Starr sur RG. Oh, Capella. En 1974, sur Goodnight Vienna. There's a music in the streets. There's the music in the air. A little old soul beat. There's dancing everywhere. I would tell the whole world, tell them if I could, to add a little song into each life. Oh, it's a finger snapping good. Oh, oh. Pardon me, boys, but could you use it? We're gonna make a little music. You got soul, now don't you lose it. We're gonna make a little music. Everything's gonna be mellow. We got just a singing a cappella. Everything's gonna be mellow. We got just a singing a cappella. Oh, oh. Dancing in the streets, and there's music in the air. A little old soul beat, and there's dancing everywhere. I would tell the whole world, tell them if I could, to add a little soul into each life. You know, it's finger popping good. Oh, oh. Hey, pardon me, boys. I said everything's gonna be mellow. Everybody sing it a cappella. I said everything's gonna be mellow. Thank you. cacher, maman. Alors, elle essaie de nous trouver tous les fonds de tiroir possibles et imaginables. Et c'est vrai que quand on est fan, eh ben, on a envie d'avoir ça dans notre collection parce que c'est pas mal par rapport à la chanson d'origine. On venait de passer, là, il y a quelques instants, Every Night en version Unplugged en 1991. Là, c'était en 1970, soit, 21 ans avant. Et, c'est Unplugged, quoi. On peut pas faire le contraire, hein. On peut pas dire le contraire. C'est arrivé plein de fois, ce genre de chanson-là. Bob Dylan est un grand fan de musique simplement avec une guitare. Mais bon, voilà. J'aime bien John Lennon. Ne me faites pas dire que je n'aime pas John Lennon, c'est pas vrai. Mais c'est pas mon premier dans le classement. Allez, la suite, un petit sponsor, et puis on revient avec une chanson, si j'arrive à lire. Ah oui, ce sera les Beatles avec Tell Me Why, mais dans une version différente. Trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.net. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos quatre amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, BeatlesMagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Avec vous, je crois que je me suis fait avoir parce que m'a pas semblé vraiment différente cette version-là, ou alors je me suis trompé quand je l'ai programmée. Et puis là, le temps que je regarde l'ordinateur, elle est déjà partie dans les oubliettes. Allez, c'est pas grave. C'était quand même Tell Me Why. C'est quand même une très belle chanson des Beatles en 1964. Quelle belle année que cette année-là. En 1964, il paraît que des génies, des légendes surtout, sont sortis cette année-là. Il paraît. Ça commence à faire il y a longtemps maintenant. Allez, voici le deuxième extrait de Traveling Wilburys. Et le titre du morceau, c'est Dirty World sur RG. He loves your sexy body. He loves your dirty mind. He loves when you hold him. Grab him from behind. Oh, baby, you my game. You don't need no wax job, just food enough for me. If you need your oil change, I'll do it for you free. Touches you, his hair stands up on end. His leg begins to quiver, and his mind begins to bend. Oh, baby, you're such a tasty treat. When I'm under doctor's orders, I'm afraid to overeat. He loves your sense of humor, disposition to. There's absolutely nothing. Comme le dit si bien Yann sur Facebook, il dit le Zim au chant, oui, et je rajoute le Zim, donc le Zimmerman, alias Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, et je lui ai rajouté sur le plan Facebook, je lui ai dit oui, quand il était encore écoutable, monsieur Bob Dylan, parce que maintenant... Et cette chanson-là, qu'en pensez-vous ? 6 minutes et quelques, facile, tranquille, de plaisir, Little Lamb Dragonfly... En 1973, sur l'album Red Rose Speedway, c'est Paul McCartney sur RG. Vous êtes avec Thierry Gallet jusqu'à 22h, c'est la saga des Fab Four. Et oui. Oh, sur X, j'avais répondu à une question qui disait qui est la plus belle voix entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Bon, évidemment, Ringo Starr, on peut le placer de côté. Mais même s'il a une voix particulière, hein, quand même, qui est bien à lui. Mais j'avais répondu quelque chose comme Lennon a une belle voix. On avait dit de lui que c'était le rocker. McCartney a une voix qui a beaucoup plus d'étendue. Il peut être très doux et monter dans les aigus, dans les rocks les plus fous. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, que on ne peut jamais mettre des étiquettes sur les Beatles. Si on dit John le rocker, Paul McCartney l'auteur de ballades, eh bien, sur Paul McCartney, je peux vous poser Helter Skelter, et sur John Lennon, je peux vous poser Goodnight. Même si c'est chanté par Ringo, c'est John Lennon qui a écrit cette chanson-là. Et il y a d'autres chansons aussi où il est très très cool. Bref, tout ça pour vous dire que là, c'était cool, c'était tranquille, c'était Little Lamb Dragonfly en 1973. Eh bien, je vous en propose 11 ans plus tard un autre morceau cool, une ballade. C'est Paul McCartney en 1984 sur Give My Regards to Broad Street, et ce titre, No More Lonely Nights, sur RG. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel.

un chef-d'œuvre, évidemment. In My Life, les Beatles en 1965, surérigé 90.7. Notez que le son de clavecin que vous entendez au milieu de la chanson à peu près, c'est dû à George Martin et ça n'est pas un clavecin, c'est un piano qui a été accéléré. C'était déjà une des idées complètement farfelues mais géniales pour le côté art d'une chanson, puisqu'ils avaient décidé que ben voilà, si on accélérait, ça devenait quelque chose de complètement différent, de très très bien. Faut pas oublier qu'en 1965, on enregistrait sur 4 pistes et le plus fantastique, c'est que McCartney le décrit souvent, ça nous paraît complètement dingue, nous maintenant, et à nos enfants ça doit être encore pire, qu'il prenait le 4 pistes, il mettait tout ce qu'il y avait sur le 4 pistes sur une seule piste pour pouvoir rajouter encore des pistes, etc., etc. Alors que maintenant, on touche un bouton, on envoie 85 000 pistes si on a envie de le faire. C'est différent. C'est bien aussi, le numérique, moi j'adore. Vous savez que les podcasts, comme je vous les propose, je mets globalement, maintenant je les fais un peu plus longtemps parce que j'abandonne un petit peu, puis je reviens dessus, etc. Mais je les fais en un peu plus d'une heure. Si je devais le faire comme dans le temps, j'ai connu ça en 1986, dans une autre radio qui s'appelait Kiss FM, faire des montages avec les grosses bobines, si vous vous rappelez ce que c'est les grosses bobines, où là il fallait écouter, caler, couper avec les ciseaux, scotcher avec un morceau de scotch, et écouter voir si ça allait bien, et si ça allait pas bien, vous étiez foutus, parce que c'était très difficile de le recoller. Et bref, on va dire que le podcast que je vous fournis en à peu près une heure, j'aurais mis sûrement deux jours pour le faire aussi bien et encore moins bien. Un extrait de plus de la saga des Fab Four et de l'album de la semaine, Traveling Wilburys, Last Night sur RG. She was there at the bar. She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. guys. My friend got caught. I saw the fear in his eyes. So I gave it all up. I gave it all up. I gave it all up for love. She was 18 and I topped her by one. She said she'd heard about the bad things I'd done. But she loved me and she just didn't care. The one night she needed me and I wasn't there. So she gave me right up. She gave me right up. She gave me right up for love. As I look back and wonder, jamais vous vous dites, mais on n'a jamais entendu cette chanson sur RG dans la saga des Fab Four. Je crois que vous n'avez pas tort. Je pense que je ne l'ai jamais passé. Mais ces dates où on le devine un petit peu à l'orchestration, bien qu'on puisse faire des chansons en 2025 comme on le faisait par exemple en 1977, puisque c'est l'année de cette chanson-là. Extrait du, on va dire, mauvais album de Ringo, Ringo the Fourth. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, c'est sa mauvaise période à Ringo, où il était beaucoup alcoolique, pas mal drogué, pas mal... il ne savait plus trop quoi faire, quoi. Il était pas bien, mais il s'est rattrapé depuis et continue, Ringo. Continue, soit dans une forme aussi olympique que celle que dans laquelle tu es, avec Paul aussi, parce que vous êtes fantastiques tous les deux. Give me some truth. No short head, yellow belly, summer tree.

Moi, j'ai eu l'impression d'entendre des chansons que je n'avais, enfin, des chansons, des airs plutôt, des sons pour être exact, que je n'avais pas entendu jusqu'à présent. C'est absolument fabuleux. For No One, avec sa mélodie qui vous trotte dans la tête dès la première écoute et sa section de cuivre. Ce fut l'une des plus belles chansons de Paul. Lui et Jeanne Escher avaient loué un chalet en Suisse, dans la station de sport d'hiver de Klosters, pour y passer de courtes vacances en mars 1966. Et c'est là qu'il composa For No One. À leur retour en Angleterre, il reprit l'enregistrement de Revolver et elle débuta les répétitions du rôle de la jeune Ellen Terry dans 60,000 Nights au Théâtre Royal de Bristol. De Bristol. À travers une série de souvenirs retraçant une histoire d'amour, For No One décrit la fin d'une liaison. Paul déclara que cette chanson correspondait à son expérience de ce qu'était la vie commune lorsqu'on venait à peine de quitter le domicile familial. Hein? Voilà. Donc c'était cette très très belle chanson. Si nous venions encore une fois à l'album de la semaine, l'album de Traveling Wilburys, volume 1, sorti en 1988, cette fois-ci, le leader, c'est Roy Orbison, qui malheureusement mourra très peu de temps après la sortie de cet album-là. Ils lui rendront hommage dans l'album suivant, en le volume 3, qu'on écoutera la semaine prochaine, je vous le dis déjà. Mais voici une belle chanson avec Roy en lead, Not Alone Anymore, sur RG. Excusez-moi, mais on sent la patte Jeff Lynne sur cette chanson-là. Nous sommes un poil en avance, mais c'est pas grave, on va parler de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou que ce soit en solo. même si eux-mêmes faisaient la cover de quelqu'un, de leur père, ou même pas forcément des gens qu'ils appréciaient énormément, mais une chanson qu'ils appréciaient. C'est arrivé souvent à George Harrison, comme Baltimore Oriole, par exemple, et puis d'autres. C'est arrivé même à Paul McCartney, si. Et John Lennon, est-ce que ça lui est arrivé? Oh oui, je crois bien. Quant au dernier, Paul, on a dit Paul, on a dit George, on a dit John, et bien il reste plus que Ringo. Ringo, oui, il en a repris aussi. Il a repris du Carl Perkins, etc. Bon, bref, vous avez compris que c'est la cover. Et la cover d'aujourd'hui, c'est une chanson qui a été chantée par quelqu'un qui est relativement connu. Relativement. Celui qui a écrit la chanson, c'était Paul McCartney. Et sur l'album Off the Wall, en 1979, Michael Jackson nous chantait sa version de Girlfriend. Vous en voulez encore ? On a un petit peu de temps. Alors, ce n'est pas Michael Jackson. Je vous propose, je l'ai trouvé pendant la chanson, la version de Live at the Empire State Building en 2022. La chanson, c'est Let It Be par Norah Jones sur RIG 90.7, la radio des Beatles. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be.

Si comme moi vous écoutez cette chanson-là au casque, quel son ? C'est The Ultimate Collection, sorti en 2024 de cette chanson-là, I Know, sorti donc à l'origine en 1973 et extrait de l'album Mind Games, si je ne me trompe pas. Ben non, pourquoi je me tromperais-je ? C'est bien ça. Mais qu'est-ce que c'est beau ? C'est la 22e prise de cette chanson-là. Et on a l'impression que c'est enregistré hier, même peut-être pas, peut-être cet après-midi. En tout cas, je voulais vous proposer ça. Et je voulais vous proposer également ce que je fais rarement, une chanson qui n'existe pas, de Paul McCartney, et qui est plutôt jolie. Spent my early life in Liverpool. Something I'm not likely to forget. That I know but never met. Upstairs on the bus sits a man. He's talking to himself, or so it seems. Listing names of old comedians and laughing at them. Version of the book God. God has written. I spent my early life in Liverpool, something I'm not likely to regret. No, no, no, people blend with places, with faces that I know I never met. In jam jars for a worthy cause or two. Prince the dog with one eye to his name wants to follow. I spent my early life in Liverpool, something I'm not likely to forget. That I know I've never met. People blend with places and faces that I know but never met. Walking with the boys of Dungeon Lane, aimlessly towards the cast iron shore, swapping tales about the Chinese farm, getting caught. Swapping tales about the Chinese farm, getting caught. Down the sports field of the Institute lives off, save the harmless fish food. Greets the kids who pass the other side, saying, hello, children. My early life in Liverpool, something I'm not likely to forget. Let's go. We'll be right back. Sa mère devrait le savoir, un style de chanson qu'affectionnait Paul McCartney, mais que John Lennon avait plutôt tendance à trouver que pas terrible, terrible, terrible. Il avait tort, John Lennon, parce que c'est aussi du très très bon Paul McCartney. Puis pourquoi ? Eh bien, Ringo l'avait dit, je me souviens, en 1982, avant que je commence la saga, vous vous rendez compte ? J'écoutais sur une radio bordelaise, mais là par contre j'ai oublié son nom. Ringo Starr était invité chaque semaine, je pense que c'était une cassette, hein, il ne devait pas être présent sur Bordeaux, ça m'étonnerait. Et il était invité à faire Ringo Starr's Yellow Submarine, et il racontait l'histoire des Beatles, forcément. Et lorsqu'il avait parlé de Paul McCartney, Ringo avait dit, ce qui est énervant chez Paul McCartney, c'est que il a l'air d'abord d'avoir une facilité complètement dingue à pondre des chansons, à pondre des airs comme ça, dont on se dit, oh, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est pas terrible. Et puis on se rend compte 15 jours plus tard qu'on a toujours en tête cette musique-là. Ça, c'est le signe de Paul McCartney. Et ça, c'est l'album de la semaine. Traveling Wilburys sur RUG 90.7. Vous imaginez, vous avez envie de manger une pizza, vous allez dans la pizzeria et vous dites, je voudrais manger une margaritas. Je délire ce soir. Allez, je vous propose de revenir en 1986, deux ans avant cet album-là de Traveling Wilburys. Une chanson que je désigne souvent comme une petite fille de Hey Jude, parce que la construction est un peu la même. Attention, respectons ce qui est. Je ne dis pas que However Absurd est une sorte de Hey Jude. Non, mais ça m'y fait penser. Et j'adore cette chanson. La voici sur l'album Press to Play. Et c'est sur RUG. Yeah. passe drôlement vite. Alors on n'arrête plus la musique. Voici George Harrison du temps de All Things Must Pass, une chanson qu'il avait passée à un pote à lui. So Milk Sea. À chaque fois je me fais avoir, je dis So Sea Milk, c'est So Milk Sea. C'est la première prise et c'est sur le 50e anniversaire de All Things Must Pass. Dans quelques minutes, enfin 25 minutes, ce sera Eric pour son émission Johnny de A à Z. If your life's alright, doesn't satisfy you. You don't get the breaks like some of us do. Better work it out by where you've gone wrong. Better do it soon as you don't have. The most from everything you do in the shortest time your dreams come true. In no time it all makes it more worth. Simple process takes you there. Much without illumination. Pull around with every different color. Only one thing really brings us home. Get out of summer sea. You don't belong there. Pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less. And the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies. And my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. Just a child of nature. I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes, touch the windows of my soul. Touch the windows of my soul. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Oh, c'est elle est belle. Dernier extrait de l'album de la semaine. On file, on file, on file. The end of the line. C'est la fin. Bientôt en tout cas. Et vous êtes sur RIG 90.7. C'est la saga des Fab Four. Well, it's all. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's every day is Judgment Day. Maybe somewhere down the road away, the end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. The end of the line, of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays the end of the line, purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Someone to love. Well, it's all right. Ever

Qu'est-ce que j'aime cette chanson-là. Je crois que je le dis souvent dans l'émission quand même. Allez, une petite dernière. What's my name? Ringo! Sur RIG. En 2019. Merci à tous d'être restés à l'écoute jusqu'au bout de la saga des femmes fortes, qui était la saga des femmes fortes numéro, je dis ça exprès pour bicher, 652. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée avec Eric, je sais que ça va être très très bien. À très bientôt, salut, ciao. Au fait, la semaine prochaine c'est déjà décidé, ce sera Traveling Wilburys volume 3.